n'ai plus la foi, c'est qu'il n'y a plus de fleurs à Santa Elena. Le vent n'est plus le même dans cette ville sans joie. Il souffle à perdre haleine à Santa. Je traîne, j'avance à grands pas, ce boulet qui m'enchaîne à Santa Elena. Il me reste à souffrir pour te rejoindre là-bas, mais avant de mourir à Santa Elena. T'as tué, un jour les payera ses fautes et ses péchés à Santa Elena. Plusieurs coups de marteau résonnent tout en bas, c'est mon dernier cadeau à Santa. Il n'y a plus de fleurs à Santa Elena. C'est qu'il n'y a plus de fleurs à Santa Elena.